إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la semaine passée on a lu les explications des versets qui parlent de Shura dans le Coran. Et cette semaine on continue donc la réfutation au sujet de ce point avec la conclusion de ce qu'on peut dire à ce sujet-là, au sujet de la Shura, et la fin de cette réfutation justement sur ce point, sur ce premier point par rapport à la comparaison que les Hizbiyyin font entre la Shura et la démocratie. Donc le cheikh il commence, il dit « أخي القارئ الكريم قبل أن ننتقل إلى عرض الشبهة الثانية وتفنيدها بإذن الله أحب أن أسرد لك بعضا من الفروق التي تميز بين النظام الانتخابي المبتدع وبين الشورى في الإسلام والله المعين. Donc le cheikh il dit avant de sauter à la deuxième choubha que les hizbiyyin ramènent au sujet de la démocratie, pour essayer de défendre la démocratie, on va commencer par mentionner quelques distinctions qui existent entre le système démocratique qui est innové et la shura qui fait partie de l'islam. Le cheikh il commence à mentionner des distinctions entre le système de la démocratie et le système de la shura. Premièrement, من تلكم الفروق الأول أن النظام الانتخابي متولد من النظام الديمقراطي فلا سبيل إلى تحقيق الديمقراطية إلا بواسطة الانتخابات البدعية أما نظام الشورى فإن مصدره الكتاب والسنة وأفعال السلف الأمة رضوان الله عليهم ومن أراد الوقوف على بيان ذلك بأدلته فلينظر ما ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى وشاورهم في الأمر. Donc le cheikh il dit comme premier point parmi les différences, c'est que le système démocratique vient du système, le système des élections, ou le système de suffrage universel, comme on l'appelle, il est né à partir du système démocratique, ou il vient du système démocratique. Et il n'y a pas de moyen d'établir le système démocratique excepté par les élections qui sont une innovation, qui sont quelque chose d'innové, qui ne font pas partie de l'islam. En ce qui concerne le système de Shura, à sa base, il vient du Coran et de la Sunna et de l'exemple des salafs de cette Ummah, qu'Allah soit satisfait de tous. Et donc, celui qui veut savoir et comprendre les preuves de ça, peut retourner à l'explication dans le tafsir de Ibn Kathir qu'on a mentionné au sujet du verset وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. La partie numéro 2, le point numéro 2, أن النظام الانتخابي يعتمد على الأغلبية الغورائية من ضعفة الناس في الرأي والحكمة وممن لا يتأهلون للشورى. أما نظام الشورى فيعتمد على غرض على عرض الأمر على من يعتقد فيه أنه أهل لذلك بأن تكون لديه القدرة على بيان الرأي بشكل يرتجى منه الوصول إلى الصواب. وهذا المفهوم نفسه يقتضي أن يتألف مجلس الشورى من أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص الذين والاختصاص أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص الذين يتصرفون في الأمور بعين الدقة والفراسة. Donc le chef il dit que le système démocratique il se base sur la majorité. La majorité des gens, des gens qui n'ont pas toujours une compréhension, une sagesse ou une opinion qui est correcte, c'est-à-dire les gens ordinaires, les gens faibles, parfois, dans leur raisonnement et dans leurs opinions, et ce sont des gens qui ne sont pas aptes à faire la shura ou à donner à faire la consultation. Parce que le système de consultation se base sur le fait de présenter aux gens à qui on ou aux gens chez qui on croit qu'ils ont les aptitudes nécessaires dans leur compréhension, dans leur jugement, dans leur connaissance, qui ont la capacité de juger et de donner des opinions qui vont être qui vont être bonnes et qui vont faciliter le fait d'atteindre la vérité. Donc c'est de présenter à ces gens-là les questions et les problèmes et les situations pour essayer d'arriver à justement à une conclusion ou une situation qui va nous aider à aller vers qu'est-ce qui est meilleur ou aller vers qu'est-ce qui est plus droit ou qu'est-ce qui est plus correct ou qu'est-ce qui est vrai. Donc ça implique que le comité de shura, le comité de consultation, doit être composé de gens qui ont une expérience, qui ont une aptitude, une compréhension et qui sont spécialisés dans les questions ou dans les domaines dans lesquels on a besoin de leur conseil et de leur consultation, qui vont regarder les choses et analyser les choses avec minutie, avec beaucoup de précision et beaucoup de, comme par exemple des gens qui ont de bonnes intuitions aussi dans leur domaine et qui connaissent bien leur domaine. Donc c'est pas à n'importe qui qu'on va demander une opinion quelconque pour donner la shura. Et le cheikh il mentionne la preuve de ça et il mentionne le verset. والدليل على ذلك قوله تعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Donc ça c'est le verset 83 dans sourate An-Nisa. Dans le verset 83 dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique, et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient au messager, si plutôt il l'aurait rapporté au messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des détenteurs du commandement. Et nous était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns d'entre vous. Donc ça c'est clair dans ce verset-là que c'est pas n'importe qui à qui on doit diffuser des nouvelles qui ont rapport avec la sécurité ou avec les ou des nouvelles alarmantes ou des nouvelles qui ont rapport avec la sécurité. On doit diffuser ces nouvelles aux gens ou donner ces nouvelles aux gens qui ont une opinion et une connaissance et un jugement qui est correct, comme le cheikh il va l'expliquer en mentionnant le verset, le tafsir de ce verset dans le tafsir de l'imam al-Shawkani et le tafsir de l'imam al-Sa'di ensuite. Donc il dit قال الشيخ الشوكاني قال الإمام الشوكاني رحمه الله لو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم هم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم أو يرجعون إليهم في أمورهم الذين يرجعون إليهم في أمورهم وهم الولاة عليهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه ويستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم. وقال السعدي رحمه الله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونهم بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يتولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. أي نعم. دونك الشيخ الزي que l'imam al-Shawkani a expliqué le verset 83 dans sourate An-Nisa, et il dit que la parole d'Allah, quand il dit « et s'il l'avait ramené aux messagers et à ceux qui détiennent ou les détenteurs du commandement parmi eux », les détenteurs du commandement parmi eux, c'est-à-dire les gens de science, les gens qui ont la raison qui est correcte, qui est bonne, qui ont une raison qui est tranchante et qui est bien claire, hein, on ramène à eux nos affaires et nos questions et nos problèmes et les nouvelles et les informations qu'on possède, et eux, ils vont bien entendu, le chef dit, et ce sont les gens qui ont le commandement au-dessus d'eux, c'est-à-dire les dirigeants, et eux, ils vont savoir comment extraire justement les conclusions, yani, qui sont bonnes de ces informations-là et de ces nouvelles-là, à cause de la raison qu'ils ont et de la compréhension et de la connaissance qu'ils ont. Donc ça, c'est les paroles de l'imam al-Shawkani à ce sujet-là. Et ensuite il dit, l'imam al-Sa'di, il dit « La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum » ceux d'entre eux qui extraient les commandements et qui sont capables justement de chercher et de comprendre comment comprendre la vérité, et comment chercher la vérité dans ces informations-là, eux, avec leurs pensées et leurs opinions qui sont droites, et leurs connaissances qui sont bien orientées, hein, ils vont savoir comment extraire de ces informations-là la bonne guidance et les bonnes informations et les bonnes choses pour aider et guider les gens. Donc, il dit qu'il y a également une règle dans ce domaine-là, c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un, par exemple, de faire une recherche dans un sujet quelconque, on doit le demander aux gens qui sont aptes de le faire, qui ont des aptitudes et des connaissances dans le domaine de dans ce domaine de recherche. On la donne donc à ceux qui sont spécialisés dans le domaine de recherche qu'on a besoin de comprendre ou de connaître. Et on ne laisse pas justement, ou on ne se place pas devant eux, on ne les dépasse pas dans ces questions-là, parce que bien entendu c'est plus près, c'est meilleur, hein, pour arriver à la bonne conclusion et de s'écarter de l'erreur. Donc par exemple, si on a besoin de demander, par exemple qu'un dirigeant il a besoin de connaître un sujet quelconque, et qu'il demande à quelqu'un de faire une recherche sur un sujet, il ne va pas demander à quelqu'un, par exemple, qui est spécialisé en aéronautique, de faire une recherche sociologique sur un sujet quelconque, ou sur une personne, ou sur une catégorie de personnes. Il va demander à des gens qui sont spécialisés dans le domaine de la sociologie, et sur le domaine de ces choses-là en particulier, des gens qui ont une connaissance dans ce domaine-là et qui comprennent les choses. Donc, il ne faut pas mélanger les catégories de personnes et s'adresser aux gens qui ont les aptitudes nécessaires pour le faire, et non pas à n'importe qui dans la population pour demander la consultation puis l'opinion de n'importe qui. Contrairement à ce que font les koufars ici maintenant, quand ils demandent dans la rue des fois les opinions des gens à propos de quelque chose, ils demandent à n'importe qui, des gens qui ne sont même pas spécialisés dans un domaine, dans un sujet, de donner leurs opinions, et à cause de ça, bien entendu, les gens ils répondent n'importe quoi. Et puis parfois, ils induisent les autres en erreur à cause de leur compréhension limitée sur plusieurs sujets. Ensuite, le Cheikh dit wa qala Safiyyu Rahman al-Mubarak Furi, فهذه الآية تفيد أن ضعفة الناس وغوغائهم لا يتأهلون للشورى بل لا يتأهلون للشورى بل لا بد لها من راحة من رجاحة من رجاحة في العقول أو في العقل وحصافة في التكفير في التفكير بعضهم فالذين يعلمون الأمور أحق فالذين يعلمون الأمور أحق بالمشاورة من الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Donc le cheikh il mentionne les paroles d'un des grands savants de l'Inde qui s'appelle Safiuddin, Safiur-Rahman al-Mubarak-Fouri, et il dit que ce verset-là, il est la preuve que les gens qui sont faibles d'esprit, qui ont peu de raison et de compréhension, ne sont pas aptes à participer à la consultation. En fait, on doit uniquement retourner au jugement des gens qui ont une raison et une pensée qui est claire et qui est plus près de la vérité, est plus près de l'opinion qui est correcte, qui se penche vers la droiture. Donc ceux qui connaissent ces choses-là méritent plus, qui ont une compréhension et une connaissance des choses, méritent plus de participer à la consultation que quiconque en dehors de ces gens-là. Par rapport à ceux qui n'ont pas de connaissance, par exemple. Et il mentionne le verset 9 dans Surat Az-Zumar, est-ce que ceux qui savent sont comparables à ceux qui ne savent pas, ou est-ce que ceux qui savent sont égaux avec ceux qui ne savent pas? Donc bien entendu qu'ils ne sont pas égaux. Et ensuite le Cheikh dit, وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الشُّورَى لَا يُلْزَمُ الْأَخْذَ بِهَا مُوَافَقَةُ الْأَغْلَبِيَّةِ بَلْ يَجُوزُ لِلْوَالِي أَوْ لِوَالِي الْأَمْرِ أن يعرض عن الشورى إعرابا ويبت في الأمر أحيانا متوكلا على الله وحده. الشيخ il mentionne des paroles de l'imam Muhammad Aman al-Jami rahimahullah dans son livre qu'il a écrit حقيقة الشورى في الإسلام. Muhammad Aman al-Jami il dit que l'imam il dit que parmi les preuves que la Shura, c'est pas obligatoire de prendre toujours dans la Shura l'opinion de la majorité, même qu'il dit que c'est possible, même c'est permis pour le dirigeant de rejeter l'opinion de la Shura, de s'en détourner complètement, parfois, en mettant sa confiance en Allah seul. Et donc ça c'est la réfutation justement par rapport aux paroles de Youssef Al-Qardawi et d'autres, par exemple, qui disent que le dirigeant, il est obligé de prendre l'opinion de la Shura et de la consultation. Ouais, le comité de consultation. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Qardawi, à ce sujet-là. Il dit, dans sa défense de la démocratie, il dit, il dit en fait que le dirigeant est soumis au peuple, il est le sujet du peuple. Il dit, avant de clore ce propos, je dois aborder l'opinion de certains savants, y compris de nos jours, d'aborder l'opinion de certains savants, y compris de nos jours, selon qui la concertation ou la consultation, Ashura, est un mécanisme consultatif non contraignant, et que le gouverneur doit consulter mais n'est pas tenu de suivre l'opinion de ses conseillers, ceux qu'on qualifie Ahlul Hill wal Aqd, ceux qui tranchent dans les affaires. J'ai déjà répondu à cette thèse à une autre occasion, expliquant que la Shura n'a aucun sens si le gouverneur, après avoir consulté, ne fait que ce qui lui plaît et à son sérail, sans aucune considération de l'avis du conseil de Shura. Comment les membres de conseil seraient-ils ceux qui tranchent dans les affaires, comme on les qualifie dans notre tradition, alors qu'en réalité, ils n'ont pas la faculté de trancher dans quelques affaires que ce soit? Donc, on voit qu'il essaie de dire que le dirigeant, il est obligé d'accepter l'opinion de la Shura. D'accord, donc on va voir maintenant les preuves que cette opinion-là, elle est complètement fausse, et on va voir dans le Coran et dans la Sunna les preuves de ça. Donc, le Cheikh il dit, قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. C'est le verset 159 dans Surat Al-Imran. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. C'est-à-dire, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il mentionne par la suite le Cheikh les paroles de Ibn Jarir al-Tabari, l'imam al-Tabari dans son tafsir, qui dit فإذا صح عزمك وبتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك على أمر دينك ودنياك فامضي لما أمرناك به على ما أمرناك به ووافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها وتوكل فيما تأتي من أمورك. Donc dans le verset, dans le tafsir de l'imam al-Tabari, il explique le verset 159 de Al-Imran, et à la fin du verset, et il dit, l'imam al-Tabari, si tu as décidé de quelque chose avec fermeté et conviction, parce qu'on t'a raffermi dans cet ordre-là, c'est-à-dire là le cheikh il mentionne comment le verset s'adresse au prophète, comment Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit au prophète, si tu as été convaincu et tu as décidé d'une chose et qu'on t'a raffermi le cœur là sur cette décision-là, avec notre orientation et notre affermissement sur cette question-là, sur qu'est-ce que tu as décidé, des questions ou des choses qui ont rapport avec ta religion ou des choses de ta dunya, alors continue et fais ce que tu as décidé de faire selon ta décision et selon ce que nous t'avons ordonné de faire, que ce que tu as décidé soit en accord avec la position de tes compagnons ou que ce soit en contradiction avec ce que les compagnons t'ont demandé de faire quand tu les as consultés, et mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans tes affaires. Donc ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas obligé de suivre l'opinion de ses compagnons. Et dans plusieurs occasions même, il n'a pas suivi l'opinion de la majorité de ses compagnons. Il a contredit justement l'opinion de la majorité de ses compagnons. Maintenant, quand tu entends les paroles de ces gens parmi les Ikhwan qui défendent la démocratie, tu les entends parler comme s'ils disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours suivi l'opinion de la majorité, et comme s'il était obligé de suivre l'opinion de la majorité de ses compagnons. Et bien entendu, on va voir que ça c'est tout à fait faux. Le cheikh il mentionne les paroles de l'imam et du cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Il dit wa qala shaykhuna Muhammad Aman al-Jami فالآية صريحة في أن ولي الأمر عليكم السلام ورحمة الله فالآية صريحة في أن ولي الأمر إذا حصل لديه عزم على تنفيذ أمر ما لكونه واضحا لا غموض فيه أو كان المقام مقاما يتطلب الحزم والبت لخطورته ولديه قناعة كاملة بأن ذلك في صالح المجتمع الإسلامي فعليه أن يبت في الأمر وحده بحزم وثبات متوكلا على الله ومعتمدا عليه في نجاح الأسباب دون استشارة بل دون قبول لقول المستشار ولو قدم رأيه ونصحه دون طلب من ولي الأمر. Le cheikh explique ici un point important. Muhammad Aman, il montre la parole du cheikh Muhammad Aman ici. Il dit ce verset-là, il est clair. Le verset 159, hein, qui mentionne que فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ce verset-là, le cheikh il dit, il est clair que le dirigeant, lorsque il est arrivé à une décision qui est ferme et claire, dans une question quelconque, parce qu'il a trouvé que c'est quelque chose qui est évident pour lui et clair, et qui n'a pas aucune ambiguïté ou difficulté à comprendre cette question-là, et que c'est une situation qui demande de sa part de la fermeté et de prendre une décision qui est tranchante et ferme à cause du danger d'une situation quelconque, et qu'il a une conviction complète de son opinion et que c'est un bien pour la société musulmane, alors il n'a qu'à persister et à continuer sur son jugement et sur sa décision à lui seul, avec fermeté et avec conviction, en mettant sa confiance à Allah et en ne comptant que sur lui pour le succès dans les causes qu'il a prises, sans prendre le conseil de personne ni la consultation de personne. En réalité, il n'a même pas à accepter l'opinion ou le conseil ou la consultation de quiconque, même si la personne qui lui avait donné consultation ou conseil était venue de lui-même, sans que ce soit à la demande du dirigeant lui-même. Hein? Donc ça, c'est le point que le Cheikh a mentionné dans Haqiqat al-Shura dans l'Islam, le livre du Cheikh Mohamed Aman qui parle de la réalité de la Shura dans l'Islam. Et le Cheikh, il va mentionner maintenant des exemples de la Sunna dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas du tout suivi le conseil de ses compagnons et qu'il a contredit la majorité d'entre les Sahaba sur plusieurs questions. Premier exemple, le Cheikh dit « Ma fa'alahu Rasul sallallahu alayhi wa sallam » من إبرامه لصلح الحديبية وانفرد بتصديقه أبو بكر رضي الله عنه وبينما خالفه المسلمون كلهم في أول الأمر. Donc le chef il mentionne la première exemple de ça, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait lorsqu'il a conclu l'entente de Al-Hudaybiyya avec les mushrikines. Il était seul à être d'accord avec cette entente, avec les mushrikines, lui et Abu Bakr al-Siddiq. La plupart des compagnons, sinon tous les sahaba, étaient contre cette entente et contre ce pacte d'Al-Hudaybiyya. Et à un tel point que même Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'était pas d'accord. Il a dit au messager d'Allah, est-ce qu'on accepte d'être en dessous alors qu'on est sur la vérité dans notre religion? Est-ce qu'on va accepter des compromis et des choses qui nous rabaissent alors qu'on est sur la vérité au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, oh Omar, je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas. Et Omar ibn Khattab était tellement troublé, il est parti voir Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, et il est allé lui dire la même chose que ce qu'il avait dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, Ya Abu Bakr, n'est-ce pas que nous sommes en haut et nous sommes les gens qui sont sur la vérité, et que les mushrikines sont dans l'égarement et qu'ils sont en bas de nous? Et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il a dit, oui certes c'est vrai. Alors il dit, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on accepte de faire un entente ou un contrat de paix avec les mushrikines qui nous ramène plus bas, hein? Et là, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il a répondu et il a dit la même chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il est le messager d'Allah et il ne le désobéit pas. Et donc, par la suite, Omar ibn al-Khattab, il a réfléchi, il a dit, ah, maintenant j'ai compris. Hein, j'avais compris qu'est-ce que voulait dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr par la suite. Donc ça, c'est pour montrer un exemple des situations où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas retourné vers l'opinion de ses compagnons ou vers l'opinion de la majorité. Il donne un autre exemple aussi, موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة الفتح حيث لم يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عنها لأصحابه بل أخفى خبرها عنهم جميعا فضلا عن أن يستشيرهم في أمرها ولم يعلم أمر الغزو وسببه من الصحابة غير أبي بكر رضي الله عنه لأن الموقف يتطلب الكتمان والتحفظ الشديدين وهذا من خداع الحرب. Donc le Cheikh il dit que, comme deuxième exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était la bataille de la conquête ou l'expédition de la conquête, lorsqu'ils sont partis pour reprendre la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit ça à personne de ses compagnons. il a même il a gardé la nouvelle de l'expédition ou de la bataille jusqu'à la dernière minute. Et il n'avait pas pris la consultation d'aucun de ses sahaba à son sujet, et il n'y avait personne qui était au courant de cette bataille, de cette expédition-là, ni de ses causes parmi les sahaba, excepté Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu, parce que la position et la situation demandaient que cette chose-là soit cachée, préservée, et c'était très, très nécessaire, parce que ça fait partie des ruses de la guerre. Donc ça c'est deux exemples, et il y en a beaucoup d'autres encore. Hein. Donc c'est pas vrai que, comme certains prétendent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait toujours l'opinion de la majorité, et que c'était obligatoire pour lui de prendre l'opinion de la majorité, et qu'il était obligé de suivre la consultation, et que le dirigeant il est obligé de, quand on le consulte sur une chose, de prendre l'opinion de la majorité. Tout ça c'est faux, hein. Et celui qui prétend ça, c'est comme s'il prétendait que dans ce cas-là, le dirigeant, il n'est pas dirigeant. C'est comme s'il était en train de dire que... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme s'il était en train de dire que c'est le peuple qui dirige le dirigeant, et que le dirigeant est là juste pour obéir au peuple. Et celui qui dit ça, alors, il doit répondre à une question très importante. À quoi sert le dirigeant? Si c'est le peuple qui va dicter au dirigeant qu'est-ce qu'il doit faire, ou la majorité du peuple qui doit dicter au dirigeant ce que le dirigeant doit faire, alors, dans ce cas-là, à quoi sert le dirigeant? Et pourquoi le dirigeant, il est là dans la société? Hein? Donc, même j'avais mis un commentaire justement par rapport à cette parole de Qardawi quand il disait ça. Il dit, et si un dirigeant, ils disent que... si un dirigeant désobéit, on doit lui donner le conseil. Oui, parce que pour Qardawi, si le dirigeant refuse d'obéir au peuple, il doit être destitué. C'est grave. Mais si le dirigeant refuse d'obéir, il doit être destitué, comme il dit ici. Il dit sans s'embarrasser de définitions et de termes académiques. Hein, vous savez comment les Ikhwan ne veulent jamais s'embarrasser avec les définitions claires et les termes académiques. Ils préfèrent juste y aller quand c'est en leur intérêt, vers qu'est-ce qui fait leur affaire dans les définitions. Donc, il dit, la démocratie consiste essentiellement à ce que le peuple choisisse celui qui dirige ses affaires, sans qu'on lui impose un dirigeant qu'il aborde, ni un régime qu'il déteste, qu'il ait le droit de demander des comptes au dirigeant lorsqu'il commet une erreur, et de le destituer s'il dévie, que les gens ne soient pas contraints de suivre des directions, d'adopter des méthodes économiques, sociales, culturelles ou politiques qu'ils ne connaissent pas, et qu'il n'agrée pas, et dont la critique vaudrait à ceux qui la portent d'être torturés ou massacrés. Au fond, c'est cela la démocratie. En vérité, tout ce que ces gens visent par la démocratie, c'est de voir le peuple choisir ses dirigeants comme il lui plaît, d'être en mesure de leur demander des comptes, de ne point leur obéir s'ils bravent la constitution de la nation, ou selon la formule islamique, lorsqu'il enjoint un péché, et de pouvoir les destituer lorsqu'il dévie et tombe dans l'injustice, tout en restant sourd aux conseils et aux mises en garde. Donc c'est comme si là, le dirigeant en fait, c'est comme un pantin du peuple. Et le peuple c'est quoi? Hein? Bien entendu, hein, ça c'est une autre question. Le mot peuple, ça a été utilisé bien entendu par beaucoup de communistes et d'autres, justement pour essayer de faire croire que la volonté du peuple c'était le communisme, ou c'était le socialisme, ou c'était, je sais pas, la démocratie, justement pour pouvoir imposer les systèmes de coffre dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans également. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu soulèves la population, tu leur dis je suis avec vous, je suis pour le peuple, et puis tu parles contre le dirigeant, tu parles contre le gouvernement, puis après ça, tu dis c'est le peuple qui décide et tout, alors que c'est toi qui décides, c'est pas le peuple. Mais tu leur imposes tes idées, puis après le peuple te suit aveuglément. Donc ça c'est une manière de manipuler bien sûr. Et non seulement, ça c'était l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans certains cas où il n'a pas suivi l'opinion de la majorité dans les consultations, même les Sahaba, les Khulafa Rashidin, ils n'ont pas toujours suivi l'opinion de la majorité dans les questions de religion, dans les questions de dirigeance et dans les questions qui ont rapport avec le gouvernement. Regardez les exemples, par exemple, que le Cheikh il mentionne ensuite. Il dit « ومن مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما ثبت من أن أبا بكر رضي الله عنه ما أنفذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه على رغم مخالفة عامة الصحابة ولا سيما الكبار منهم حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. Donc le premier exemple, l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq, c'est pour vous montrer que, c'est pour vous montrer à quel point lorsque les Sahaba, lorsque le Khalifa était décidé et ferme sur une décision, et clair sur une décision, il ne portait aucune considération à l'opinion de ceux qui étaient contraires à son opinion à lui, même si c'était la majorité des Sahaba, même si c'était la majorité des plus grands parmi les Sahaba, hein, et même si c'était Omar ibn al-Khattab ou d'autres parmi eux. Regardez l'exemple, par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il a insisté pour envoyer l'armée de Usama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé une armée et il avait mis à sa tête Usama ibn Zayd avant sa mort. Et il allait les envoyer, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Alors, c'était une période où il y avait beaucoup de problèmes, parce que, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, et il y avait eu beaucoup de tribus arabes qui disaient par exemple, « Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors on n'a plus besoin de payer la zakat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et donc, ça c'était durant sa vie, maintenant qu'il est mort, on ne va plus payer la zakat. » Et il y a beaucoup de tribus arabes aussi qui avaient apostasié l'islam. Alors, les sahaba, ils disaient, il faut partir et combattre ces tribus qui ont apostasié ou qui refusent de payer la zakat. Et Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il dit non, il faut envoyer l'armée de Usama. Et je pense qu'il voulait l'envoyer soit vers la Syrie ou vers la Perse, en tout cas une des deux, pour combattre les mouchriquins. Alors, les Sahaba ont dit non, regarde, on a des problèmes à l'intérieur, entre les tribus arabes qui veulent quitter l'islam, et toi tu veux envoyer l'armée de Usama vers les mouchriquins et les koufars, alors qu'on a des problèmes à l'intérieur. Abu Bakr al-Siddiq, il dit, je ne vais pas ramener un ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Il a dit qu'il voulait l'envoyer, cette armée, je vais l'envoyer. Il dit, et il a tellement insisté qu'à un certain point, il a dit cette parole, « لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. » Il dit, même si les chiens tiraient les mères des croyants par les pieds, j'aurais quand même envoyé l'armée de Usama. C'est à quel point il était déterminé à exécuter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort. Et même si tous les autres sahabas n'étaient pas d'accord avec lui, il a persisté à le faire et il n'a pas consulté ou écouté la consultation de quiconque à ce sujet-là. Un autre exemple, c'est l'exemple Israruhu radiallahu anhu ala qitali ahli ridda wa mani'i zaka wa adam iltifatuhu ila mashurati sahaba. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب وقال عمر بن الخطاب أو قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني دماؤه ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الصلاة حق المال ولو والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها وقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق واللفظ للبخاري. Donc le cheikh il dit un autre exemple du dirigeant qui n'a pas écouté justement la shura ou l'opinion de la majorité des sahaba, c'est l'exemple de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il a insisté à combattre les gens de la Ridda à l'époque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a insisté à combattre les tribus qui avaient apostasié de l'islam et à combattre également les gens qui refusaient de payer la zakat. Et il ne s'est pas tourné à la consultation ou à l'opinion des sahaba à ce sujet-là. Et regardez l'exemple, par exemple, qui s'est rapporté par Abu Bakr, s'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et que Omar ibn al-Khattab a pris la succession de la dirigeance des musulmans, il y a plusieurs des Arabes qui ont rejeté l'islam. Alors Abu Bakr, radiallahu anhu, il a dit qu'il voulait les combattre. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, dit je vais combattre les Arabes qui ont apostasé l'islam ou qui refusent de payer la zakat. Alors Omar ibn al-Khattab est venu voir Abu Bakr et a dit mais comment tu peux combattre ces gens-là alors qu'ils ont dit la ilaha illallah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et une fois qu'ils l'ont dit, ils seront protégés dans leur bien et dans leur sein contre moi, excepté pour un droit de l'islam. Et leur jugement appartiendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il a répondu à Omar et il lui a dit par Allah, je te jure par Allah, que je vais combattre quiconque a fait une distinction entre la salat et la zakat. Parce que la zakat, c'est un des droits des biens, c'est un des droits que Allah a mis sur la richesse des gens et sur leurs biens. Et si il m'empêchait de prendre un ipal, c'est-à-dire une corde, pour empêcher, si à l'époque du prophète Hassan il donnait une corde, et qu'il refuse de me la donner aujourd'hui, eh bien je vais les combattre jusqu'à ce qu'il me remette cette corde. Hein. Et il a dit par Allah, Omar ibn al-Khattab il a répondu par la suite, il a dit par Allah, quand j'ai vu que Abu Bakr al-Siddiq a insisté et persisté à défendre son point de vue de cette façon et qu'il avait des arguments comme ça, j'ai compris que Allah avait ouvert le cœur de Omar ibn al-Khattab à la vérité, le cœur de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu à la vérité, et j'ai su que c'était la vérité dans ce cas-là quand il a été aussi ferme et persistant dans l'idée de combattre. Donc ça c'est pour montrer des cas ou des situations dans lesquelles le dirigeant musulman, il ne se retourne pas vers l'opinion de la majorité des gens, même s'ils ont donné leur opinion. Et c'était pas n'importe qui parmi les gens qui avaient donné leur consultation à Abu Bakr, c'était les plus grands parmi les sahaba, radiyallahu anhum. Donc le cheikh il dit ensuite, « قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله » والذي نريد أن نصل إليه في آخر حديثنا من ذكر هذه المواقف الحازمة أن لولي الأمر أن يأخذ بالشورى وله أن لا يأخذها حسب مقتضيات الأحوال واختلاف المواقف في الحرب والسلم وهكذا يثبت لنا دون أدنى تردد أن الشورى غير ملزمة غير ملزمة. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? Il dit que celui qui veut arriver, le point auquel on veut arriver maintenant dans notre parole à ce sujet de la Shura et de est-ce que c'est obligatoire de le suivre ou non, on a mentionné les preuves on a mentionné les positions fermes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhuma. On veut essayer de montrer par ça que le dirigeant, il peut prendre l'opinion du comité de Shura, s'il veut la prendre, et également, s'il ne veut pas la prendre, il peut la refuser. Non. il peut également la refuser, selon les implications de la situation et des différents états ou des différentes situations qui se présentent. اختلاف المواقف في الحرب والسلم. يعني selon que ce soit une, selon que c'est en, que, qu'ils sont dans une position de paix ou une situation de guerre. Donc tout ça, ça peut avoir des influences dans la décision du dirigeant. Et c'est ainsi que on affirme sans aucune hésitation que la Shura n'est pas, ne peut pas être imposée, hein, ne peut pas être contraignante, contrairement à ce que prétendait Qardawi dans son texte qu'il a écrit pour défendre la démocratie, qui essaie de dire que c'est un mécanisme contraignant qui doit obliger le dirigeant à être d'accord avec la majorité. Donc le cheikh il dit قلت ولا دلة على ما تقرر كثيرة جدا يأتي شيء منها عند الكلام على المصالح المرسلة الشعبة العاشرة لدعاة الانتخابات. Donc le cheikh il dit et il y a beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là, nombreuses, et on va en mentionner d'autres lorsqu'on va parler au sujet de la dixième shubha, c'est la shubha au sujet des masalih al-mursala, que présentent les gens qui appellent aux élections. Donc, al-masalih al-mursala, c'est le bien général ou le bien commun des musulmans. On va voir les règles qui ont rapport avec ces bienfaits-là, selon la charia, quand on va parler de la dixième shubha, et on est encore à la première. Donc, le cheikh il dit, comme troisième point, attendez, comme troisième point de distinction entre la charia et les élections, le système démocratique, le cheikh est entre la shura, le cheikh il dit, ومن الفروق أيضا أن إنابة أهل الشورى من قبل الشعب بإجراء انتخاب عام. أن إنابة أهل الشورى من قبل الشعب بإجراء انتخاب عام رأي جديد لم يعرف في غابر الزمان ولا سيما في عهد الخلفاء الراشدين فإنهم لم يكونوا يستفتون في ذلك الشعب بل كانوا يأخذون للشورى ممن يعرفون فيه الخبرة والكفاءة والعلم وحصافة العقل وإصابة الرأي. Parmi les distinctions, c'est que le fait de choisir, que ce soit par exemple la population ou le peuple en entier qui vote pour élire les membres de la Shura ou qui pour élire les membres du comité de consultation, ça n'a jamais été connu à travers l'histoire de l'islam. Et en particulier, ça n'a jamais été connu à l'époque des Khulafa Ar-Rashidin. Parce que les Khulafa Ar-Rashidin, ils ne demandaient pas l'opinion du peuple ou de la majorité des musulmans pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire comme décision au sujet de la politique ou au sujet de la paix ou de la guerre ou de la direction des affaires des musulmans. Ils prenaient leur consultation de ceux chez qui ils savaient qu'il y avait une expérience, une compréhension, une aptitude spécifique, une connaissance et une raison et une bonne opinion, hein, et non pas chez n'importe qui. Quatrième point de distinction, إن للشورى في الإسلام محاسن عديدة منها ما ذكرها الشيخ السعدي حيث قال فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصرها منها إن المشاورات من العبادات المتقرب بها إلى الله أو المتقرب بها إلى الله إن فيها تسميحا لخواطرهم أي الصحابة لإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. نعم تسميحا لخواطرهم وإزالة ما يصير في القلوب عند الحوادث قلت وهذا في غيرهم من باب أولى. جيم ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله إن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله وإن أخطأ ولم يتم له مطلوب فليس بمعلوم ودل إن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك زيادة للعقول Donc le chef il dit que la Shura, c'est il y a beaucoup de belles choses dans la Shura, contrairement à la démocratie. Donc il dit il y a beaucoup de belles choses dans la Shura que le chef Ahmed, que le chef Abdurrahman al-Sa'di il mentionne en disant que parmi les bienfaits et les bonnes choses qui sont dans les aspects religieux et les aspects de la vie au sujet de la Shura, yani elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les limiter ou les calculer. Mais parmi elles, il y a le fait que de chercher la consultation, ça fait partie des adorations par lesquelles on se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il y a également le fait que ça enlève du cœur des gens, des sahaba et des gens et des autres en particulier, et des autres musulmans encore plus, les pensées qu'ils ont dans leur cœur et ça leur amène en fait la sécurité lorsqu'ils ont des événements ou des accidents ou des difficultés. Parce que la consultation, ça aide justement à faire en sorte qu'on règle les problèmes. Ensuite, il dit également parmi les bienfaits de la consultation, il y a que la personne qui demande le conseil à ses compagnons ou aux gens qui ont la connaissance, il risque de ne jamais se tromper. Pourquoi ? Parce que bien entendu, il demande l'opinion aux gens qui sont les plus bien formés, mais qui ont une meilleure opinion, une meilleure compréhension. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus difficile de se tromper et de faire des erreurs, puisque tu demandes le conseil. D'accord ? Et si jamais il demande le conseil et qu'il se trompe dans son jugement à la fin, il ne sera pas blâmé parce qu'il a fait son effort et son possible. Et également, il dit que dans le fait de chercher, dans le fait de chercher la consultation, il y a également l'illumination de la pensée également, du fait que tu utilises ta pensée et ta raison dans les choses pour lesquelles Allah les a créées et pourquoi elles ont été placées là. Et donc ça devient un surplus dans la compréhension et dans la raison que tu as arrivé en prenant comme moyen la consultation pour arriver au résultat que tu veux atteindre. Le cheikh il dit « Wa naqala ibn Jarir al-Tabari qawlan li ba'dihim حيث قال wa qala akharuna innama amarahu Allah bi mushawarati أصحابه فيما أمرهم بمشاورتهم فيه مع إغنائه بتقويمه إياه وتدبيره أسبابه عن آرائهم ليتبعه المؤمنون من بعده فيما حزبهم من أمر دينهم ويستنوا بسنته في ذلك. Donc ici le cheikh qu'est-ce qu'il explique? Ça c'est expliqué dans le tafsir de l'imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari. Il dit que certains des ulama ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre la consultation de ses compagnons. Malgré que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est guidé il est bien guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le guide et lui montre le droit chemin et la bonne décision. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas besoin de prendre la consultation de ses compagnons, mais il le faisait pour donner le bon exemple aux sahaba pour que après lui les sahaba allaient suivre cet exemple là et qu'ils allaient se consulter et suivre sa sunna après sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit قُلْتُ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ تُضَافُ إِلَىٰ السَّوَابِقِ وَكُلُّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِنِظَامِ الشُّورَى فِي الْإِسْلَامِ أما نظام الانتخابات فلا يحقق أي مصلحة حقيقية واقعية بل على العكس من ذلك ففيه من المفاسد العظام وقد ذكرنا شيئا منها فيما تقدم. Donc le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, le cheikh il dit, il y a, et ça fait, c'est une raison de plus qu'on peut rajouter aux différents bienfaits qu'on a mentionnés déjà, et il dit que dans le cas de la démocratie et des élections, c'est tout à fait le contraire. Parce que le système démocratique et le système électoral ne réalisent aucun des bienfaits, aucun bienfait réel dans la réalité. Bien au contraire, ils possèdent plein de méfaits très graves qu'on a mentionnés déjà et qu'on a expliqués dans les cours passés. Le cheikh il dit, comme point numéro 5, « Anna l'intikhabat farida, farada Allah, faradaha, donc, « Anna l'intikhabat farida, faradaha, أعداء الله على المجتمعات إلا من رحم الله بعكس الشورى فهي ليست واجبة في كل قضية من القضايا ولا في كل الأحوال بل كما تقدم معنا أنه غير ملزم الأخذ بها. Donc le cheikh dit que les élections c'est quelque chose qui a été ordonné et imposé par les kuffars, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala aux sociétés musulmanes. Et ça c'est quelque chose aussi qu'on doit prendre en considération, et en particulier par rapport aux tekfiriyins qui déclarent les sociétés musulmanes kuffars, et les musulmans kuffars, les dirigeants kuffars, parce qu'ils sont soi-disant en train d'appliquer la démocratie, et ils doivent savoir que en réalité le système de la démocratie c'est quelque chose que les kuffars font tout leur possible pour imposer justement dans les pays musulmans. Et l'attitude des tekfiriyins, l'attitude des Khawarij, au lieu d'aider justement à l'application de l'islam et de la charia dans les sociétés musulmanes, eh bien ça aide au contraire à l'éloignement des gens de la charia et à l'éloignement du gouvernement également de l'application de la charia, parce que ça enlève au gouvernement la stabilité qu'ils ont besoin dans leur façon de diriger et gouverner le peuple, et en plus de ça, ça renforcer la force et l'autorité que les gouvernements occidentaux ont sur les pays musulmans. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que quand les Khawarij font de la fitna dans les pays musulmans, les pays non musulmans, les pays occidentaux ont plus de pression et plus d'autorité et plus de force sur les pays musulmans dans des cas comme ça. Et yani, ils imposent bien entendu et ils ordonnent aux pays musulmans d'appliquer la démocratie et d'appliquer les systèmes de laïcité, ainsi de suite, dans les pays musulmans. Et ça, ça fait partie des méfaits qui sont augmentés par justement la présence de ces et les activités et les actions de ces tekfiriyins et de ces khawarij dans les pays musulmans. Al-intikhabat farida faradaha Allah. Regardez pourquoi, parce qu'en plus de ça, les groupes de bid'ah dans les pays musulmans, quand ils n'ont pas toute la liberté dans les pays musulmans pour appeler à leur bid'ah, et pour appeler à leur parti politique, et pour justement demander leur droit d'appliquer les garments qu'ils veulent appliquer dans les pays musulmans, ils viennent ici par exemple en Occident pour justement former leur parti politique et faire leurs activités, pour par la suite essayer d'imposer ça aux pays musulmans, parce qu'ils disent aux pays des kuffars, regardez, nos pays ne sont pas des pays démocratiques, et vous avez des relations avec eux, et vous avez des bonnes communications avec eux, pourquoi vous êtes comme ça, vous dites que vous êtes pour la démocratie, et vous allez quand même aller avoir des relations avec eux. Donc ils imposent encore plus de pression au gouvernement des kuffars, non seulement contre les pays musulmans, mais pour imposer dans les pays musulmans un système de kuffar. Un système de kuffar qui savait la démocratie. Et ils essaient de se mettre du côté des kuffars contre les pays musulmans, et en disant par exemple, regardez nos pays musulmans, il y a de la dictature, il y a ci, il y a ça, et critiquer les pays musulmans, et les déclarer kuffar, les déclarer mécréants, yani, et ils agissent de cette façon. Et ça, il n'y a pas de doute qu'il y a une forme de nifaq là-dedans, il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. Pourquoi? Parce que tu viens chez les kuffars pour demander l'aide des kuffars contre les pays musulmans, et pour faire des problèmes et pour salir la réputation des pays musulmans. Donc eux, peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils ne sont pas en train de faire ça, par exemple, par rapport à l'islam, mais en réalité, ça retombe contre les musulmans et contre l'islam, parce que pour les koufars, eux, ça ne leur dérange pas du tout que les musulmans dans les pays musulmans soient en train d'appliquer, peu importe, dictature ou autre. Qu'est-ce qui compte pour eux, c'est que, qu'est-ce qu'ils savent tous, c'est que ce sont des pays musulmans, que ce soit des dictatures ou non, que ce soit des démocraties ou non. Et c'est ça le problème qu'ils ont avec les pays musulmans et pas d'autres. Donc c'est pour ça que l'attitude de ces groupes islamistes et des gens qui appellent à la démocratie au nom de l'islam et à la laïcité au nom de l'islam, ces gens-là en fait agissent comme des hypocrites, des munafiqines, en aidant les kuffars contre les pays musulmans et en particulier contre l'Arabie Saoudite. Hein, parce qu'ils sont tous en train de l'attaquer en disant non, c'est pas un pays musulman, c'est pas un pays musulman. Et en disant des choses comme ça, et bien entendu c'est le seul pays musulman qui applique la charia comme il faut dans le monde musulman aujourd'hui. Donc ça c'est un exemple. Ensuite le cheikh il dit donc que les élections, c'est les koufars qui l'ont imposé dans les sociétés musulmanes, excepté les pays que, sur lesquels Allah a mis sa miséricorde. Et contrairement à la shura, la Shura, ce n'est pas les ennemis d'Allah qui l'a imposé ou qui l'a ordonné, et elle n'est pas obligatoire. Parce que, en fait, le cheikh, il n'est pas obligatoire la consultation dans l'islam, dans toutes les questions. Hein, comme on avait expliqué la dernière fois, la consultation, ce n'est pas obligatoire dans les questions sur lesquelles il y a des textes clairs, hein, sur lesquelles il y a des sujets qui sont tranchés déjà et clairs. C'est seulement sur des questions qui ont rapport avec des aspects d'ijtihad ou des choses de ce genre. Hein, ou des questions comme par exemple qui ont rapport avec la paix ou la guerre, ou il y a des aspects sociaux qui n'ont pas rapport avec les versets qui sont clairs, ou les hadiths qui sont clairs, ou les questions de consensus entre les ulamas des salafs. Donc ça c'est des distinctions par rapport à la démocratie, et également, comme le cheikh a dit, c'est pas obligatoire, et c'est pas obligatoire dans toutes les questions et dans toutes les situations, et ce n'est pas non plus contraignant, ce n'est pas imposable. C'est-à-dire, une fois que le Majlis al-Shura a donné son opinion, on n'est pas obligé de l'appliquer, ou le dirigeant n'est pas obligé de prendre l'opinion de la majorité. Contrairement à la démocratie. Et même dans les pays musulmans, on avait expliqué la dernière fois que même dans une fois que l'élection est finie, quand les dirigeants et les responsables prennent des décisions dans différentes questions sociales ou économiques ou politiques, ils ne retournent pas à l'opinion du peuple pour prendre leurs décisions. Même les coupables, hein, quand ils ont une décision de faire la guerre ou de faire la paix ou de décider de faire une réunion pour faire le G7 ou le G8 ou je sais pas quoi, ils ne demandent pas l'opinion de la population pour faire ça. Et c'est pour ça que les gens qui sont contre ces réunions-là et contre ces décisions-là, ils vont sortir dans la rue, faire des manifestations et casser les rues, casser tout ce qu'ils trouvent dans leur chemin, faire du vandalisme et tout ça. Et même parfois, tu vois qu'il y a des musulmans qui sont de ces tendances-là qui rentrent dans ces manifestations-là, comme les Ikhwan et les gens de ces tendances. Donc ça, c'est pour vous dire leur contradiction à ce sujet-là. Et après, le cheikh, il dit comme point numéro 6, « Anna al-nizab al-intikhabi ya'ti li mahqi shar'illah wa mabadi' wa muba'adatihi. » Wa muba'adatihi. ففيه تحليل الحرام وتحريم الحلال وإبطال الحق وإحقاق الباطل وهلم جرى بعكس الشورى فهي على العكس من ذلك تماما لأنها تحقيق لخبر أو تحقيق الخبر وتبصر في تنفيذ الحق والفروق كثيرة. Donc le cheikh comme dernier point il dit que le système démocratique et électoral il vient pour éliminer la charia d'Allah et pour l'éloigner et pour rendre halal ce qui est haram et pour rendre haram ce qui est halal et pour annuler la vérité et pour mettre à la place de la vérité le faux et le mensonge et ainsi de suite. Tandis que la Shura c'est totalement le contraire, elle vient pour réaliser le bien et éclairer les gens dans l'application et l'exécution de la vérité. Et il y a beaucoup d'autres distinctions entre la Shura et le système électoral bien entendu, mais le cheikh il se limite à ces exemples-là. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on a quand même terminé le premier point, ou la première Shubha. Et la semaine prochaine, inchallah, lundi prochain, on va faire la deuxième shubha qui a rapport avec la question de l'ordonnance du bien et de jeudi prochain, on va parler du point qui a rapport avec le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.